Chapitre 10e, la lettre de sable. Mais il n'est fait, hélas, qu'il ne se termine. Après un tour au bois, le négociant de province eut décidé sa conquête à rentrer. Il accompagna Mad Muguette jusqu'à l'appartement qu'elle occupait avenue de Wagram, lui souhaita non plus bonne nuit mais bonjour, promit de revenir dans la soirée, et il rentra chez lui. M. Sandron ôtait à peine son pardessus qu'il fut appelé au téléphone. « Venez vite, rue Notre-Dame-des-Victoires, chez Maître Béjanet. » M. Sandron enleva rapidement son habit, passa une éponge d'eau froide sur la tête, s'ébroua. Peu après, oubliant toute fatigue de la nuit de fête, le négociant de province disparut, redevint Paulin Broquet et se rendit à l'appel du chef de la sûreté. Le garçon de bureau Alfred arrivait à l'étude de Maître Béjanet une demi-heure avant l'éclair pour balayer, arroser, et opérer ce qu'on appelait le nettoyage et qui consistait en réalité uniquement à changer la poussière de place. Il se dirigea plumeau en main vers le bureau, mais à peine sur le pas de la porte, il jeta son balai, son plumeau et s'enfuit affolé en criant « À l'assassin! À l'assassin !» Ces cris ameutèrent la maison, le voisinage. De toutes les portes, on accourut. À terre se trouvait, baignant dans une mare de sang, le corps du veilleur de nuit et à côté de lui deux hommes, également blessés, également sans connaissance. Aussitôt, on alla prévenir le commissaire de police du quartier qui arriva peu après avec un médecin. Le commissaire, selon l'habitude, commença son enquête en attendant la venue du parquet et de la sûreté. Le médecin légiste put constater que les trois hommes blessés de différentes façons, plus ou moins grièvement, n'étaient fort heureusement pas en danger de mort. Le commissaire tenait absolument à ce que, sous aucun prétexte, on ne dérangeât quoi que ce fût jusqu'à la venue du parquet. Donc, quand MM. Baumier et Paulin Broquet arrivèrent, ils purent commencer leur enquête dans les meilleures conditions. On trouva dans le bureau, près du corps du veilleur de nuit, une grosse canne qu'il mettait chaque soir à portée de sa main, au chevet de son lit, et un poignard joliment ciselé, couvert de sang, l'arme du crime. Paulin Broquet se pencha sur les deux hommes, les examina attentivement et vivement se releva presque aussitôt. Puis il vint au chef de la sûreté, l'attira dans un coin du bureau et lui dit rapidement quelques paroles à voix basse. M. Baumier tressaillit, parut très surpris. À son tour, il se pencha sur les deux cambrioleurs. « Vous avez raison, Broquet. C'est très curieux, étrange. » Des ordres furent alors donnés. Des voitures d'ambulance qui avaient été commandées, on monta trois brancards. Sur ces brancards, on étendit les trois hommes, et sur les deux premiers, on posa avec précaution des voiles qui cachèrent entièrement leurs visages, qui les dérobèrent aux yeux des journalistes et aux objectifs des photographes. Quant au veilleur de nuit, on le laissa à découvert. On put le voir, l'approcher, le photographier à loisir, et les voitures d'ambulance partirent, ayant non seulement un infirmier et un médecin avec le malade, mais un agent pourvu d'une consigne sévère. Le veilleur de nuit, on le transporta à l'Hôtel-Dieu, comme il convenait. Quant aux deux autres blessés, ils furent conduits à l'infirmerie du dépôt et mis dans une pièce réservée pour les cas spéciaux. Alors le chef de la sûreté chargea le commissaire de procéder, dans l'étude même, à l'interrogatoire du garçon de bureau, du concierge, des gens qui étaient accourus en premier. Dans le cabinet de Maître Béjanet, il ne restait plus que le juge d'instruction, M. Urbain, le notaire, le chef de la sûreté et le détective Paulin Broquet. Paulin Broquet avait prié son chef de faire asseoir tout le monde un peu à l'écart, aussi loin que possible du bureau, de l'endroit où l'on avait découvert les blessés. Lui, à quatre pattes, il examinait le sol, le parquet, et selon son habitude commençait ses recherches. On le laissa faire comme il le désirait sans s'occuper de lui. Pendant ce temps, les magistrats posaient quelques questions au notaire qui venait d'arriver. Au bout d'un assez long moment, Paulin Broquet, tout à coup, élevant la voix, demanda au notaire « Vous n'avez pas l'électricité ici, Maître Béjanet ?»« Non, nous nous éclairons au gaz. »« Bon, donc on n'a pas pu casser d'ampoule électrique. »« Assurément non. » »« Les becs de gaz sont entourés de verres, de globes, de cheminées, supportant des abat-jours, donc d'un verre assez épais. »« Ce n'est pas cela, par conséquent. » Paulin Broquet, cédant d'une carte de visite, ramassa à terre quelques morceaux de verre qu'il disposa sur un papier blanc et qu'il montra au notaire. « Vous ne connaissez pas l'origine de ces débris ?» lui demanda-t-il. « Non, fit maître Béjanet. « On dirait un verre de montre. Tant c'est mince. Mais la forme annonce un ovale, un globule, une petite ampoule. Cela ne vous rappelle rien ? Je ne saurais vous donner d'autres indications. Merci. » Paulin Broquet plia précieusement ses débris de verre dans un papier et les mit dans la poche de son veston. Puis il continua ses recherches. Il ne cherchait plus à terre, mais sur les meubles, sur la table. « Cette casquette, demanda-t-il, à qui est-elle ? » C'était une casquette de forme anglaise en étoffe grise. « C'est la casquette d'un des blessés. Bon, elle est d'ailleurs tachée de sang. » On l'avait ramassée à terre et déposée sur le bureau du notaire. Paulin Broquet la prit, l'examina, gratta quelque chose avec l'ongle, souleva le pli que formait la tache de la visière retenue par un bouton à pression. Il en tira quelques bribes de coton, puis quelques éclats de verre qu'il compara à ceux ramassés à terre. « Bon, bon, » fit-il. Et précieusement, il roula la casquette dans une grande feuille de papier et la glissa également dans la poche de son veston. Puis il s'approcha du coffre-fort du notaire, l'examina, l'étudia longuement, minutieusement. À présent, les magistrats s'étaient tus. Avec maître Béjanet, anxieux, il suivait Paulin Broquet. Dans la pièce régnait un silence absolu, grave, impressionnant. Tous les yeux se portaient avec angoisse sur Paulin Broquet, qui, impassible, s'aidant pour mieux y voir d'une petite lampe électrique munie d'un fort réflecteur et d'un verre condensateur, poursuivait l'examen des parois du coffre, allant de droite à gauche, puis de gauche à droite, comme ligne par ligne, descendant lentement, degré par degré. Paulin Broquet, arrivé vers le bas de la porte du coffre-fort trouvé ce matin poussée, fermée, s'arrêta plus longuement, ne porta plus le rayon de la lampe de long en large, mais lui fit décrire divers mouvements, couvrir une plus grande surface. Enfin, il rompit le silence et de sa voix calme, sans cesser d'étudier la porte du coffre-fort, il dit « Maître Béjanet, pouvez-vous me faire donner une grande feuille de papier blanc et un pot de colle ?» Le notaire appela son principal clerc. Il lui demanda d'apporter ce que le détective désirait, et sur un signe de ce dernier, le pria de se retirer. Quand le principal clerc, qui espérait assister à l'opération que l'on préparait, eut vu sa curiosité non satisfaite et fut sorti, Paulin Broquet, tranquillement, enduisit de colle les quatre coins de la feuille de papier et, avec des précautions infinies, l'appliqua sur la porte du coffre-fort, la maintint un moment et ne l'abandonna que quand il eut constaté la prise. Puis il se tourna encore vers le notaire. « Vous êtes, » demanda-t-il, « non seulement l'ami du banquier Montreuil, n'est-ce pas, mais aussi son notaire. Depuis de longues années, en effet. Bien. Alors tout se tient. Votre coffre-fort a été ouvert, fouillé. Mais je n'avais pas d'argent dans mon coffre-fort. Toutes les valeurs qu'on me confie, je les dépose dans une grande maison de banque où elles sont beaucoup plus en sûreté que chez moi. Sans doute. Mais il n'y a pas que les valeurs d'argent. Les billets de banque qui soient intéressants aux yeux de certaines gens. Il y a des papiers, des actes, qui sont aussi précieux. » Le notaire tressaillit. « Que pensez-vous ? Que croyez-vous qu'on ait pu m'apprendre ? Je ne sais. Il est un fait certain, c'est que votre coffre-fort a été très habilement ouvert puisqu'il n'y a aucune trace d'effraction. Vous croyez que le coffre a été ouvert ? Ouvert et fouillé ? Je tiens pour certain que quand vous ferez la récapitulation des actes qu'il contenait, vous vous apercevrez qu'il manque des papiers concernant un client de la banque Montreuil, ou M. Montreuil lui-même. » Le notaire maintenant frissonnait. Il posa sa main fiévreuse sur son front en sueur. « Oh, que me dites-vous là ? Que me dites-vous là ? Ce serait trop horrible, épouvantable, c'est impossible. » Paulin Broquet secoua la tête. « Cela doit être, cependant, » dit-il simplement. Le notaire tourna vers le détective son regard étonné, angoissé. « Vous savez ? Vous savez donc ? Je sais seulement qu'hier matin, vous avez reçu la visite de Robert et Raoul Montreuil, les fils du banquier assassiné. C'est exact. Je sais aussi que, presque au même moment, vous avez reçu la visite du comte Faustin de la Guérinière. Oui, oui. C'est tout ce que je puis savoir. Et il ne m'est pas permis de faire sur cette coïncidence, des deux visites, la moindre supposition. Mon chef est de cet avis. » Le juge d'instruction intervint. « Mais si Paulin Broquet croit que l'on a dérobé des pièces dans votre coffre-fort, maître Béjanet, des pièces concernant un client de la banque Montreuil. Il vous sera sans doute très facile de le constater promptement et de nous renseigner. Je l'espère. Cela simplifiera singulièrement notre tâche. » Paulin Broquet déclara: « Maître Béjanet peut ouvrir le coffre sans déranger mon petit travail dont je vous donnerai tout à l'heure l'explication. » Le notaire, ému, tremblant, s'approcha du coffre-fort. « La serrure, dit-il, est cependant un secret. Comment a-t-on pu l'ouvrir ?» Cette réflexion amena un sourire sur les lèvres de Paulin Broquet. « Si nous avions le temps, je vous démontrerai combien cela est facile. Et vous prouverez que toutes ces serrures dites à secret viennent de la maison Polichinelle et compagnie. Mais c'est inutile pour le moment. D'ailleurs, la porte est seulement fermée sans le concours du secret. Vous n'avez qu'à donner un tour de clé, et sans même lui dire « Sésame, ouvre-toi », elle vous obéira. » Le notaire, en effet, ouvrit aisément le coffre-fort. Sur les rayons d'acier, il trouva à peu près en ordre les dossiers. Tout de suite, il prit une chemise assez volumineuse, fermée par une courroie et portant sur un angle ces mots « Montreuil, famille ». Il défit la courroie, rechercha nerveusement dans les papiers que renfermait le dossier et poussa un soupir de soulagement. « Le dossier Montreuil est au complet, » dit-il en fermant la chemise et serrant la courroie. « Il est intact, absolument complet. » Le juge d'instruction demanda au notaire: « La pièce s'y trouve bien, maître. Vous constatez réellement la présence de ce précieux document. » « De quelle pièce voulez-vous parler ? » fit maître Béjanet surpris. « De quel document ? » ?»« De cet acte dont vous avez donné communication à M. Montreuil. De cet acte dont la teneur fut assez grave pour provoquer chez lui cet étonnant changement physique et moral dont nous avons tous, ces messieurs et moi, même les fils, été si grandement frappés. De cet acte qui fit que M. Montreuil, après nous avoir fait entendre une accusation précise et formelle, est revenu soudain sur ses déclarations et a rétracté absolument ses affirmations premières. De cet acte enfin, qui, c'est notre conviction intime à nous magistrats, causa peut-être plus sûrement que le coup de poignard la mort du banquier. » Maître Béjanet était devenu pâle. Un frémissement nerveux agitait ses membres. Il essaya de donner au juge d'instruction des explications, des éclaircissements. « Vous exagérez, monsieur le juge. La portée du document dont j'ai, avec le concours de maître Grillard huissier, donné connaissance à monsieur Montreuil. Il s'agit en l'espèce d'un document confidentiel, certes, mais concernant simplement une affaire en cours et urgente. Je suis le plus vieil ami de cet infortuné M. Montreuil, et vous devez croire que jamais je ne me serais chargé de lui faire une communication qui pût avoir un tel résultat. Je l'ai dit à ses fils. Nous n'en doutons point. Alors je vais vous demander de verser cette pièce au dossier de l'affaire de l'assassinat. Impossible !» s'écria maître Béjanet vivement. « Impossible !» Pouvez-vous seulement nous la communiquer à titre de documentation ? Non, monsieur le juge, je suis lié par le secret professionnel. Je vous ferai délier du secret pour cette affaire. Seul monsieur Montreuil pourrait m'autoriser à me dessaisir de ce document. Et monsieur Montreuil est mort. Je reste en présence de ma conscience d'officier ministériel, de mon devoir. Je vous le déclare, je ne puis faire connaître ce document. Nous prenons acte de vos paroles, maître Béjanet, dit gravement le juge d'instruction. Et il reprit: « Pouvez-vous nous dire maintenant si rien ne manque dans le dossier des clients de la banque Montreuil ?»« C'est très facilement, messieurs. Je ne conserve ici que les dossiers que je ne dois pas laisser sous les yeux de mes clercs, pour diverses raisons délicates. Nous comprenons. Je n'ai là que 3 ou 4 dossiers de ce genre spécial, intime, confidentiel. » Maître Béjanet donna quelques noms qui n'attirèrent pas l'attention des magistrats, puis il nomma le comte de la Guérinière, M. Laurent. Le juge d'instruction demanda au notaire de vérifier ces 2 dossiers. Le comte de la Guérinière, dit maître Béjanet, a donné à M. Montreuil, en garantie d'un prêt assez important, des titres de propriété que mon ami Montreuil m'avait chargé de vérifier, d'étudier. Le comte de la Guérinière, demanda le juge d'instruction, était un client de la banque Montreuil ? Oui, monsieur le juge d'instruction. N'étant, que je sache, ni négociant, ni boursier, ni spéculateur, ni homme d'affaires, à quel titre l'était-il donc ? Le comte de la Guérinière, très mondain, très dépensier, s'est vu parfois dans l'obligation d'avoir recours à l'obligeance de M. Montreuil. Pour des prêts d'argent ? Oui, monsieur le juge d'instruction, des prêts d'amis, des prêts de financiers à homme du monde. Je comprends. Voulez-vous vérifier le dossier du comte de la Guérinière ? Parcourant le dossier, le notaire déclara : Le dossier du comte de la Guérinière n'a pas été touché. Les magistrats ne prononcèrent aucune parole devant cette déclaration. Ils ne formulèrent aucune opinion. Pendant ce temps, Paulin Broquet s'était assis dans un des fauteuils, tranquillement. Il écoutait, suivant des yeux chaque mouvement du notaire et ne perdant aucun des détails de cette scène. « Voici le dossier de M. Laurent, » dit Maître Béjanet. Le notaire poussa un cri dès qu'il eut ouvert le dossier. « Ah ! Il manque deux pièces très importantes. »« Dans le dossier Laurent ?» demandèrent les magistrats. « Oui. Messieurs, je vous dois ici quelques explications. » M. Laurent était, est encore, je le crois du moins, jusqu'à preuve du contraire, un très brave homme, très honnête. Il a une maison de produits chimiques rue des Lombards, qui marchait très bien autrefois. Malheureusement, M. Laurent a été mordu par le démon de la spéculation. Il s'est lancé dans des affaires de bourse, de mines et autres, et il y a perdu beaucoup d'argent. Aux échéances un peu dures, M. Laurent avait recours à M. Montreuil. Il lui doit de fortes sommes, mais il a donné au banquier divers titres, diverses valeurs provenant de la dot de sa femme. Madame Laurent est la fille d'un gros propriétaire éleveur des environs de l'Aigle, M. Billemont. Le père, Normand, destinait à sa fille le fils d'un de ses amis, propriétaire et Normand comme lui, qui ferait marcher ainsi les affaires des deux familles. Mais la jeune fille s'est prise de M. Laurent, parisien, alors voyageur de commerce. Elle employa, pour forcer son père à consentir à ce mariage, un moyen extrême. Le père céda pour échapper au déshonneur, mais il ne pardonna ni à sa fille, ni à son gendre. Il donna à sa fille en dot la part qui lui venait de sa mère, et se confina dans sa propriété des environs de l'Aigle, n'ayant que de rares rapports avec son gendre. Naturellement, les pertes subies par M. Laurent ont encore exaspéré le brave Normand contre le mari de sa fille. M. Billemont possède une très grosse fortune, mais il est extrêmement dur. Sans être avare, il tient beaucoup à son argent et il ne le montre pas facilement. Il n'a jamais en ce cas été sollicité par M. Laurent, qui devait naturellement connaître le caractère de son beau-père, demanda Paulin Broquet. Si, M. Laurent eut plusieurs fois recours à lui. M. Billemont refusa. Pas précisément. Il donna de l'argent. Pour dire vrai, non. C'est Normand, cela, fit le juge d'instruction. Mais pour notre enquête, il nous faut des assertions plus précises. Je dois vous dire cela, messieurs, parce que parmi les papiers que M. Laurent remit à M. Montreuil pour ses emprunts, se trouvent plusieurs pièces qui auraient été cédées par le père de Mme Laurent. Or, connaissant les sentiments du beau-père, M. Montreuil conçut quelques doutes, sinon sur l'authenticité des pièces, du moins sur la façon dont elles étaient venues en la possession de M. Laurent, et il me les avait remises pour m'en occuper. « Pardon, maître, » interrompit M. Urbain, le juge d'instruction. « Mais M. Montreuil avait prêté de l'argent à M. Laurent ?» « Oui, monsieur le juge, d'assez fortes sommes. » « Sur ces pièces ?» « Sur ces pièces. » « Même les sachant douteuses ?» Le notaire ne répondit pas tout de suite. Cette question du juge d'instruction parut le contrarier quelque peu. Il finit toutefois par déclarer « Monsieur Laurent était si pressant. C'était pour lui rendre service. Et je devais vérifier ses documents. Après coup ?» Cela prouve que M. Montreuil était d'une générosité, d'une bonté, d'une grandeur d'âme, que l'on rencontre rarement dans le monde des affaires, de la finance. C'est exact, cela se peut en effet. Cela indique alors que M. Montreuil a dû faire payer très cher à M. Laurent le service qu'il était censé lui rendre. Maître Béjanet ne répondit pas. Le juge n'insista plus sur ce point. Voyons seulement le dossier de ce M. Laurent. Il manque deux pièces. « Il manque donc deux pièces du dossier de M. Laurent, » dit-il. « C'est un fait acquis. Or, vous n'ignorez pas que M. Laurent se trouvait chez M. Montreuil le soir de l'assassinat du banquier. Je le sais. Il s'y trouvait ainsi que le comte de la Guérinière. Je le sais aussi. Mais le comte de la Guérinière a été reconnu innocent par M. Montreuil. Ce qui veut dire qu'on peut considérer M. Laurent comme coupable. « Point !» s'écria le notaire. « Je ne porte aucune accusation. » « Je vous ai déclaré que jusqu'à preuve du contraire, je considérais M. Laurent comme honnête homme. »« Maître Béjanet ignore sans doute, » fit le chef de la sûreté, « que que nous avons constaté chez M. Montreuil, dans le coffre-fort du banquier pillé également, la disparition de pièces concernant M. Laurent. « Aussi !» s'écria le notaire. « Aussi là-bas ? Mais quelles pièces ? Nous vous demanderons, maître, de nous dire quelles sont les pièces qui manquent chez vous, et nous tâcherons d'établir avec votre concours celles qui ont été prises à la banque Montreuil. « Je crois, déclara le notaire, que nous ne pourrons rétablir définitivement et sérieusement ce dossier sans le concours de M. Laurent. Alors il nous faudra attendre son retour. Son retour. Depuis l'assassinat de M. Montreuil, depuis le jour de ce drame, M. Laurent a disparu. Disparu ? » Le notaire poussa un cri d'angoisse. « Alors, mais alors c'est lui qui a tué M. Montreuil. C'est lui qui est venu cambrioler mon coffre-fort. » Le chef de la sûreté ne répondit pas. Paulin Broquet se leva. En tout cas, il est un fait certain, c'est que l'assassinat de M. Montreuil et la tentative de cette nuit, le meurtre du veilleur de nuit, se tiennent. Le vol des documents chez le banquier et le pillage du coffre-fort de Maître Béjanet sont dus à la même main. « Comment cela ? » demanda le notaire. « Et cette main laisse, à chaque coup, pour une raison que nous ne connaissons pas encore, par défi, par bravade peut-être, sa signature. Sa signature. » Sur la porte du coffre-fort de M. Montreuil, dit le détective, nous avons trouvé tracé avec le sang de la victime un Z. Et ici, sur la porte de ce coffre-fort pillé, là, sous la feuille de papier blanc que je viens de coller, se trouve également un Z que l'on photographiera plus tard. Un Z. Seulement, au lieu de sang cette fois pour le tracé, on s'est servi de votre peau de gomme arabique, de votre pinceau. Après avoir tracé un Z avec la colle, on a jeté dessus le sable de votre sébi. Nous avons un Z en sable. » Cette déclaration produisit un effet considérable. Elle ouvra le champ à toutes les suppositions les plus fantastiques, permettait d'émettre les hypothèses les plus romanesques. Ce Z de sang et ce Z de sable, qui se trouvaient là comme signature de l'auteur des drames, ainsi que le disait justement Paulin Broquet, prenaient un caractère merveilleux, angoissant, terrible. Cependant, Paulin Broquet reprit « Nous devons donc, messieurs, tenir pour certain que nous avons en face de nous une bande audacieuse, admirablement organisée, puissante, qui suit jusqu'au bout les affaires qu'elle entreprend, qui va du cambriolage à l'assassinat, avec une aisance épouvantable, et qui, n'en doutons pas, nous ménage encore d'autres surprises de ce genre. » Puis il ajouta « Il faut demander maintenant à Maître Béjanet s'il n'a pas reconnu les personnages qui ont tenu un rôle dans le drame joué chez lui. Mon veilleur de nuit. Et les deux autres ? Non, en vérité, je n'ai pas bien regardé leur visage. Je ne crois pas les connaître. Ce sont cependant Robert et Raoul Montreuil. » Cette déclaration de Paulin Broquet produisit chez le notaire une impression des plus violentes. « Robert ? Raoul ? Eux, chez moi, la nuit ? Que voulait-il ? » « Probablement, dit le détective, ce que vous leur avez refusé hier matin ?»« Oh, c'est impossible. Eux, ils n'auraient pas pu. On les a trouvés près du coffre-fort ouvert où était enfermé le document secret. » »« Mais ils n'ont rien vu, rien lu, rien appris. » »« C'est ce que la suite de l'enquête nous dira. » »« Oh, les malheureux !» fit le notaire accablé. « Les malheureux enfants !»